No, but I think frustration probably caused me to do a lot of it, you know? Like, you know, I had to leave home to go out. Yeah. Like, my whole life, I went to school, I came home. Navigue dans ma tête comme sur l'internet. À force de penser, je deviens fou comme sur m'internet. Je calcule le plan avec énormément d'intérêt. J'encule le rap si profondément que tu m'interprètes. On arrive cagoulé, rien à voir avec la température. La salive met à couler quand tu vois ma candidature. Le caddie devant ton bloc, on vient pour toucher du green. Plus qu'une balle dans le bloc, ou bien travailler mon swing. J'ai resté homme depuis le début, beaucoup de faux sont apparus. Perdre de mon temps, j'aurais pas dû. Regarde où j'en suis rendu. Aujourd'hui, je vais de l'avant. La musique me donne des ailes, c'est mon unique médicament. Comme sa chatte quand elle m'appelle. Il fallait tout pour y arriver, j'ai décidé d'en faire un art. Je faisais pas ça pour des sous, mais pour libérer mon âme. Laisser de côté toutes ces pensées noires et envie de prendre une arme. C'est pas parce que j'ai un sourire que je peux pas déclencher l'alarme. J'rappe n'importe quelle heure, ça fait pas de moi le meilleur. J'ai salaud mais j'ai un cœur, tu demanderas à ta sœur. Dans mon monde c'est la hesse, j'crois pas qu'on pourra fight. Comme tu veux si t'aimes blesse, on sait que t'es pas le plus bright. C'est quand je bois plus que bien que parfois je mords pas. Déterminé, je fonce en tas, j'ouvre pas la mauvaise porte. T'es qu'un de pique, mon gars, c'est sûr, t'es loin d'être lance. Mais je m'en fous des critiques, surtout quand ils viennent d'un lâche. En train de me poser des questions. L'amour ça blesse comme une balle qui transperce le coton. Jamais au monde je vais te demander pardon. Et Naomi je vais jamais demander ton opinion. Une marche de prêt à tomber quitte à te retrouver en enfer. Sa petite voix cute qui te fait triper a pas de vocabulaire. Toi t'as la chance de t'évader, fuck ses paroles en l'air. Au fond de elle comme moi tu le sais, elle tripe sur toi c'est clair. Cette femme a le quotient intellectuel d'Albert Einstein. Elle serait censée pouvoir comprendre que tu veux juste qu'elle soit fine. Et en passant à toi petit gars tu sais que pour elle toi tu chaînes. Elle garderait pas dans son cœur sachant pas que tu fais des deadlines. Laisse-la pleurer, elle va revenir, t'es comme son médicament. Faut pas que t'allais seul partir, sinon peine perdue maintenant. Méditation, médication, faut du temps pour devenir grand. Le jour où je vis mes émotions, laissez-moi me perdre dans le temps.